décidé, chante mes idées dans l'inconnu, dans l'inconnu. Posez ma classe, vas-y au stade, on trace, on place, on a explosé l'espace, on met l'éclat. T'es le génie, j'ai les rimes en place, on suit l'espace. Ça j'ai mis en face, et puis au stade. Pas une farce, des carcasses dans le logis. Une casquette sur la tignasse cogite. Sinon le beat me bute. Mon but est une bête sur du beat brut. Attends, t'as cru, j'avais le choix. Écoute, accord perdu chaque soir. J'éduque le peuple qui bouge dans chaque salle. Sur mon père choix, scientifique. Trou unique, on crée ludique, tout étudie. Sois pas pudique, c'est pas du souk honorifique. Oh non les filles, nous sommes pas des ploucs, nous sommes cosmiques. Je veux pas dormir, j'ai un bébé avec le AKG pire. Je peux pas vivre si la zig ne fait pas vibrer la saccager. Non, criblez-moi de nord, cybernétique. Je grille les fines équipes, prototype monté en kit. Faites une pause, un kit 4 s'impose. T'as ceux qui posent, je braque d'autres, braque la prose. Noie les bacs, et puis le black propose. Benz, Benz, pas Benz, Benz, wow. Tu crois que dans les balles on traîne, on n'est pas des batringues. On a l'art de l'enseigne. Depuis l'époque fétale, on est en scène. Hostel, Stacy, LB, on intercepte l'interstellaire des bips et les bises est stérile. Donne-nous la recette qu'on se tire. Manœuvrer mon effet vocal, que les balafrés se calment. On vient rafler la panne, les ébatter avec le gamme. Idolâtrer la trame, panoramage. Mon rap combine hommage, dans le panorama. Pas de chômage, on aime le max, en marge. Les Tomahawk, les Boeing, on est à bord de l'OVNI. On est boule sur le rythme, on innove vite. On éclipse vos boucles, vos mises bougent leurs boules. Sur la piste, check notre flow et on est vite. On terrorise de les playlists. Les DJ veulent nos cut il. Papy t'a mis dans l'île. Les aliens, c'est les miens. Ça, c'est les satellites aux acolytes. Les rivaux agonisent. On est des praticiens depuis le début de la matrice. Voir tous ces amateurs, c'est la matrice. On est des fous, et les fous, on soumet tout. Les aliens dans l'enceinte.